Nickel de mer, c'est mon hobby. 357 sur mon Gucci. Rose noire et des bougies. Tupac est encore en vie. Je peux traquer par la back, Robin. D'autres services qui font les bonnes. On mange jamais sur les fers, Robin. On y tout, Robin. Je suis très riche. Pardonnez-moi, je vous aime vraiment. J'ai vu ton geste de suivre le vent. Tu sais qu'on t'attend devant. J'ai mes enfants qui m'attendent, mais bon. Papa, maman sont divorcés. D'amour toujours été dispensé. J'fume que de la frappe de blessé. En cellule, ça m'évite de penser. Ça m'évite de penser. 10 minutes, je réveille Melrose Place. Ciao. Quand les keufs arriveront dans la tête. Ciao. Promenade, douche, parloir. Salle d'attente, passer l'âge, Robin. Yo. J'veux du cash, Robin. Yo. Je veux ma place, Robin, yo. Il est vertiré, tu vas vivre, yo. J'ai devenu gros dans la cuillo. Maman, je t'aime et adios. Oh. Sicario du barrio. Je me serais parti comme un lion. Oh mon Dieu, ce qu'on ferait pas pour 2 millions. Oh mon Dieu, tu vises en douce à tes millions. Pardon mon Dieu, regarde mes yeux, je fume de la bœuf. Oh mon Dieu. Je fais de la monnaie, monnaie. La nuit dans la porte, j'en ai plein les poches, mais je suis pas heureux. J'ai le cœur qui saigne, mes larmes tombent du ciel, mais j'en parle peu. J'attends que ça se tasse, la température est cool. J'entends la tempête, feuille de la colère pour lâcher les douilles. Fils de pute, oui de personne, les coups, le cerveau, pas le bif qui façonne. Quatre amis, je suis cinquième qui rançonne. Jack Daniel et puis Smith et Wesson. Poste de Boston, j'ai mes gosses, mon style est trois qui consomment. Coup de fusil, quatre personnes ou cassonne. J'attends que mon fils en 4-4 cassonne. Je repars à l'objet sans cas acheter un mélange dormir aujourd'hui. Tu vois ceux qui ont dormi 30 ans, tu vois ceux qui ont 30 ans de vie. Venez voir, venez voir. Ma grande baignoire est en ivoire. Vite fou la tête, faut la voir pour le croire. Que des hommes dans le miroir. Des aides. Tu le vertirais, tu vas rire. J'ai devenu gros dans la cuillo. Maman, je t'aime et adios. Oh. Sicario du barrio. Je me serais parti comme un lion. Oh mon Dieu. Ce qu'on ferait pas pour 2 millions. Oh mon Dieu. Je vise en douce à tes millions.